La vie de Michel-Ange. Romain Rolland. Partie 2. L'abdication. 1. Amour. In me la morte. In te la vita mia. Alors, dans ce cœur dévasté, après que le renoncement fut accompli à tout ce qui le faisait vivre, une vie nouvelle se leva. Un printemps refleurit. L'amour brûla d'une flamme plus claire. Mais cet amour n'avait presque plus rien d'égoïste et de sensuel. Ce fut l'adoration mystique de la beauté d'un cavaliere. Ce fut la religieuse amitié de Vittoria Colonna, communion passionnée de deux âmes en Dieu. Ce fut enfin la tendresse paternelle pour ses neveux orphelins. La pitié pour les pauvres et pour les faibles, la sainte charité. L'amour de Michel-Ange pour Tommaso dei Cavalieri est bien fait pour déconcerter la moyenne des esprits, honnêtes ou malhonnêtes. Même dans l'Italie de la fin de la Renaissance, il risquait de provoquer des interprétations fâcheuses. L'Aretin y faisait des allusions outrageantes. Mais les injures des Arétins, il y en a toujours, ne peuvent atteindre un Michel-Ange. Ils se font dans leur cœur, un Michelagnolo de l'étoffe dont leur propre cœur est fait. Nulle âme ne fut plus pure que Michel-Ange, nul n'eut de l'amour une conception plus religieuse. « J'ai souvent entendu, disait Condivi, Michel-Ange parlait de l'amour, et ceux qui étaient présents disaient qu'il n'en parlait pas autrement que Platon. Pour ma part, je ne sais pas ce que Platon en a dit, mais je sais bien qu'après avoir eu si longtemps et si intimement commerce avec lui, je n'ai jamais entendu sortir de sa bouche que les propos les plus honorables, qui avaient la force d'éteindre chez les jeunes gens les désirs déréglés qui les agitent. Mais cet idéalisme platonicien n'avait rien de littéraire et de froid. Il s'unissait à une frénésie de la pensée qui faisait de Michel-Ange la proie de tout ce qu'il voyait de beau. Il le savait lui-même et disait un jour qu'il refusait une invitation de son ami Gianotti. Quand je vois un homme qui possède quelque talent ou quelque don de l'esprit, un homme qui s'entend à faire ou à dire quelque chose mieux que le reste du monde, je suis contraint de m'éprendre de lui, et alors je me donne si complètement à lui que je ne m'appartiens plus à moi-même. Vous êtes tous si bien doués que si j'acceptais votre invitation, je perdrais ma liberté. Chacun de vous me volerait un morceau de moi-même, jusqu'aux danseurs et aux joueurs de lutte, s'ils étaient éminents dans leur art, qui feraient de moi ce qu'ils voudraient. Au lieu d'être reposé, fortifié, rasséréné par votre société, j'aurais l'âme déchirée et dispersée à tous les vents, si bien que je ne saurais plus, pendant bien des jours ensuite, dans quel monde je me meus. S'il était ainsi conquis, par la beauté des pensées, des paroles ou des sons, combien devait-il l'être davantage encore par la beauté du corps? La forza d'un bel viso a che mi sprona, qu'altro non è qu'al mondo mi diletti. La force d'un beau visage, quelle éperon c'est pour moi. Rien au monde ne met une telle joie. Pour ce grand créateur de formes admirables, qui était en même temps un grand croyant, un beau corps était divin, un beau corps était Dieu, même apparaissant sous le voile de la chair. Comme Moïse devant le buisson ardent, il n'en approchait qu'en tremblant. L'objet de son adoration était vraiment pour lui une idole, comme il disait. Il se prosternait à ses pieds, et cette humiliation volontaire du grand homme, qui était pénible au noble cavalier et lui-même, était d'autant plus étrange que souvent l'idole au beau visage avait une âme vulgaire et méprisable. Comme fait Bodipoggio. Mais Michel-Ange n'en voyait rien. N'en voyait-il rien vraiment? Il n'en voulait rien voir. Il achevait en son cœur la statue ébauchée. Le plus ancien de ses amants idéaux, de ses rêves vivants, fut Gherardo Perini, vers 1522. Michel-Ange s'est pris plus tard de fait Bodipoggio, en 1533. Et de Cecchino dei Bracci en 1544. Son amitié pour Cavalieri ne fut donc pas exclusive et unique, mais elle fut durable, et elle atteignit à un degré d'exaltation que légitimait dans une certaine mesure non seulement la beauté, mais la noblesse morale de l'ami. Par-dessus tous les autres, sans comparaison, il aima, dit Vasari, Tommaso dei Cavalieri, gentilhomme romain, jeune et passionné pour l'art. Il fit sur un carton son portrait grandeur nature, le seul portrait qu'il ait dessiné, car il avait horreur de copier une personne vivante, à moins qu'elle ne fût d'une incomparable beauté. Varchi ajoute, quand je vis à Rome Messer Tommaso Cavalieri, il avait non seulement une incomparable beauté, mais tant de grâce, de manière, un esprit si distingué et une si noble conduite qu'il méritait bien d'être aimé d'autant plus qu'on le connaissait davantage. Michel-Ange le rencontra à Rome dans l'automne de 1532. La première lettre, par laquelle Cavalieri répondit aux déclarations enflammées de Michel-Ange, est pleine de dignité. « J'ai reçu une lettre de vous, qui m'a été d'autant plus chère qu'elle m'était inattendue. Je dis inattendue parce que je ne me juge pas digne qu'un homme tel que vous m'écrive. Quant à ce qu'on vous a dit à ma louange, et quant à ces travaux de moi pour lesquels vous m'assurez avoir ressenti une sympathie non petite, je vous réponds qu'il n'était pas de nature à donner occasion à un homme d'un génie comme le vôtre, et tel qu'il n'en existe pas. Je ne dis pas un pareil, mais un second sur terre, d'écrire à un jeune homme qui débute à peine et qui est si ignorant. Je ne puis croire pourtant que vous mentiez. Je crois, oui, je suis certain que l'affection que vous me portez n'a d'autre cause que l'amour qu'un homme comme vous, qui est la personnification de l'art, doit nécessairement avoir pour ceux qui se consacrent à l'art et qui l'aiment. Je suis de cela et, pour ce qui est d'aimer l'art, je ne le cède à personne. Je vous rends bien votre affection. Je vous le promets. Jamais je n'ai aimé un homme plus que vous. Jamais je n'ai désiré une amitié plus que la vôtre. Je vous en prie de vous servir de moi à l'occasion. Et je me recommande éternellement à vous. Votre tout dévoué, Tommaso Cavalieri. Cavalieri semble avoir toujours gardé ce ton d'affection respectueuse et réservée. Il resta fidèle à Michel-Ange jusqu'à sa dernière heure à laquelle il assista. Il conserva sa confiance. Il était le seul qui passa pour avoir de l'influence sur lui et il eut le rare mérite d'en user toujours pour le bien et la grandeur de son ami. Ce fut lui qui décida Michel-Ange à terminer le modèle en bois de la coupole Saint-Pierre. Ce fut lui qui nous conserva les plans de Michel-Ange pour la construction du Capitole et qui travailla à les réaliser. Ce fut lui enfin qui, après la mort de Michel-Ange, veilla à l'exécution de ses volontés. Mais l'amitié de Michel-Ange pour lui était comme une folie d'amour. Il lui écrivait des lettres délirantes. Il s'adressait à son idole le front dans la poussière. Il l'appelle un puissant génie, un miracle, la lumière de notre siècle. Il le supplie de ne pas le mépriser parce qu'il ne peut se comparer à lui, à qui personne n'est égal. Il lui fait don de tout son présent, de tout son avenir et il ajoute « Se met une douleur infinie de ne pouvoir vous donner aussi mon passé pour pouvoir vous servir plus longtemps, car l'avenir sera court. Je suis trop vieux. Je ne crois pas que rien puisse détruire notre amitié, bien que je parle d'une façon très présomptueuse, car je suis infiniment au-dessous de vous. Je pourrais aussi bien oublier votre nom que la nourriture dont je vis, oui. Je pourrais plutôt oublier la nourriture dont je vis et qui soutient seulement le corps, sans plaisir, que votre nom qui nourrit le corps et l'âme et les remplit d'une telle douceur qu'aussi longtemps que je pense à vous, je ne sens ni souffrance ni crainte de la mort. Mon âme est dans les mains de celui à qui je l'ai donnée. Si je devais cesser de penser à lui, je crois que je tomberai mort sur le champ. » Il fit à Cavalieri de superbes présents, d'étonnants dessins, des têtes merveilleuses aux crayons rouges et noirs qu'il avait fait dans l'intention de lui apprendre à dessiner. Puis, il dessina pour lui un Ganymède porté au ciel par l'aigle de Zeus, un Tityos avec le vautour se nourrissant de son cœur, la chute de Phaéton dans le pot, avec le char du soleil et une bacchanale d'enfant, toute œuvre de la plus rare beauté et d'une perfection inimaginable. Il lui envoyait aussi des sonnets, admirables parfois, souvent obscurs, dont certains furent bientôt récités dans les cercles littéraires et connus de toute l'Italie. On a dit du sonnet suivant qu'il était la plus belle poésie lyrique de l'Italie au XVIe siècle. « Avec vos beaux yeux, je vois une douce lumière que je ne peux plus voir avec mes yeux aveugles. Vos pieds m'aident à porter un fardeau que mes pieds perclus ne peuvent plus soutenir. Par votre esprit, au ciel, je me sens élevé. En votre volonté est toute ma volonté. Mes pensées se forment dans votre cœur et mes paroles dans votre souffle. Abandonné à moi-même, je suis comme la lune que l'on ne peut voir au ciel qu'autant que le soleil l'éclaire. » Plus célèbre encore est cet autre sonnet, un des plus beaux chants qu'on ait jamais écrit en l'honneur de l'amitié parfaite. Si un chaste amour, si une piété supérieure, si une fortune égale existe entre deux amants, si le sort cruel qui frappe l'un frappe aussi l'autre, si un seul esprit, si une seule volonté gouverne deux cœurs, si une âme en deux corps s'est faite éternelle, emportant tous les deux au ciel avec les mêmes ailes, si l'amour d'un seul coup de sa flèche dorée perce et brûle les entrailles de tous deux à la fois, si l'un aime l'autre, et si aucun ne s'aime soi-même, s'ils mettent tous les deux leur plaisir et leur joie à aspirer à la même fin tous deux, si mille et mille amours ne seraient pas la centième partie de l'amour, de la foi qui les lie, un mouvement de dépit pourra-t-il rompre jamais et dénouer un tel lien? Cet oubli de soi, ce don ardent de tout son être qui se fond dans l'être aimé, n'eut pas toujours cette sérénité. La tristesse reprenait le dessus et l'âme possédée par l'amour se débattait en gémissant. Je pleure, je brûle, je me consume et mon cœur se nourrit de sa peine. Io piango, io ardo, io mi consumo e il cuore di questo si nutrisce. Toi qui m'as pris la joie de vivre, dit-il ailleurs à Cavalieri. À ces poésies trop passionnées, le doux seigneur aimé, Cavalieri, opposait sa froideur affectueuse et tranquille. L'exagération de cette amitié le choquait en secret. Michel-Ange s'en excusait. « Mon cher seigneur, ne t'irrite pas de mon amour, qui s'adresse seulement à ce qu'il y a de meilleur en toi, car l'esprit de l'un doit s'éprendre de l'esprit de l'autre. Ce que je désire, ce que j'apprends dans ton beau visage, ne peut être compris des hommes ordinaires. Qui veut le comprendre doit d'abord mourir. » Et certes, cette passion de la beauté n'avait rien que d'honnête, mais le sphinx de cet amour ardent et trouble, et chaste malgré tout, ne laissait point d'être inquiétant et halluciné. À ses amitiés morbides, et fort désespéré pour nier le néant de sa vie et pour créer l'amour dont il était affamé, succéda par bonheur l'affection sereine d'une femme qui sut comprendre ce vieil enfant, seul, perdu dans le monde, et fit rentrer dans son âme meurtrie un peu de paix, de confiance, de raison et d'acceptation mélancolique de la vie et de la mort. C'était en 1533 et 1534 que l'amitié de Michel-Ange pour Cavalieri avait atteint son paroxysme. En 1535, il commença à connaître Vittoria Colonna. Elle était née en 1492. Son père était Fabrizio Colonna, seigneur de Paliano, prince de Tagliacozzo. Sa mère, Agnès de Montefeltro, était fille du grand Federico, prince d'Urbain. Sa race était une des plus nobles d'Italie, une de celles où s'était le mieux incarné le lumineux esprit de la Renaissance. À 17 ans, elle épousa le marquis de Pescara, Ferrante Francesco d'Avalos, grand général. Le vainqueur de Pavie. Elle l'aima, il ne l'aima point. Elle n'était pas belle. Les médailles qu'on connaît d'elle montrent une figure virile, volontaire et un peu dure, au front, nez long et droit, lèvres supérieures courtes et moroses, lèvres inférieures légèrement avançantes, bouche serrée, menton accusé. Filonico Alicarnaseo, qui l'a connue et écrivit sa vie, laisse entendre, malgré tous les égards d'expression dont il use, qu'elle était laide. Quand elle fut mariée au marquis de Pescara, dit-il, elle s'appliqua à développer les dons de son esprit, car, comme elle ne possédait pas grande beauté, elle s'instruisit dans les lettres pour s'assurer l'immortelle beauté qui ne passe pas comme l'autre. Elle était passionnément intellectuelle. Dans un sonnet, elle dit elle-même que les sens grossiers, impuissants à former l'harmonie qui produit le pur amour des nobles âmes, n'éveillèrent jamais en elle plaisir ni souffrance. « Claire flamme, ajoute-t-elle, éleva mon cœur si haut que de basses pensées l'offense. En rien, elle n'était faite pour être aimée du brillant et sensuel Pescara, mais, comme le veut la déraison de l'amour, elle était faite pour l'aimer et pour en souffrir. Elle souffrit cruellement, en effet, des infidélités de son mari, qui la trompée dans sa propre maison, au su et au vu de tout Naples. Cependant, quand il mourut, en 1525, elle ne s'en consola point. Elle se réfugia dans la religion et dans la poésie. Elle mena une vie claustrale à Rome, puis à Naples. Sans renoncer d'abord aux pensées du monde, elle ne cherchait la solitude que pour pouvoir s'absorber dans le souvenir de son amour qu'elle chanta dans ses vers. Elle était en relation avec tous les grands écrivains d'Italie, avec Sadolé, Bembo, Castiglione, qui lui confia le manuscrit de son Cortegiano, avec l'Arioste, qui la célébra dans son Orlando, avec Paul Jove, Bernardo Tasso, Lodovico Dolce, depuis 1530. Ses sonnets se répandirent dans toute l'Italie et lui conquirent une gloire unique entre les femmes de son temps. Retirée à Ischia, elle chantait sans se lasser, son amour transfiguré dans la solitude de la belle île, au milieu de la mer harmonieuse. Mais à partir de 1534, la religion l'a prit tout entière. L'esprit de réforme catholique, le libre esprit religieux qui tendait alors à régénérer l'Église en évitant le schisme, s'empara d'elle. On ne sait si elle connut à Naples Juan de Valdes, mais elle fut bouleversée par les prédictions de Bernardino Occhino de Sienne. Elle fut l'amie de Pietro Carnesecchi, de Giberti de Sadolette, du noble Reginald Paul et du plus grand de ses prélats réformateurs, qui constituèrent en 1536 le Collegium de Mendanda Ecclesia. Le cardinal Gaspare Contarini, qui s'efforça en vain d'établir l'unité avec les protestants à la diète de Ratisbonne, et qui osait écrire ces fortes paroles. La loi du Christ est une loi de liberté. On ne peut appeler gouvernement ceux dont la règle est la volonté d'un homme, enclin par nature au mal et poussé par d'innombrables passions. Non. Toute souveraineté est une souveraineté de la raison. Elle a pour objet de conduire par les justes voies tous ceux qui lui sont soumis à leur juste but, le bonheur. L'autorité du pape est, elle aussi, une autorité de la raison. Un pape doit savoir que c'est sur des hommes libres qu'il exerce cette autorité. Il ne doit pas, à son gré, commander ou défendre ou dispenser, mais seulement, d'après les règles de la raison, des divins commandements et de l'amour, une règle qui ramène tout à Dieu et au bien commun. Vittoria fut une des âmes les plus exaltées de ce petit groupe idéaliste où s'unissaient les plus pures consciences de l'Italie. Elle correspondit avec René de Ferrare et avec Marguerite de Navarre. Et Pier Paolo Vergerio, plus tard protestant, l'appelait une des lumières de la vérité. Mais lorsque commença le mouvement de contre-réforme, dirigée par l'impitoyable Caraffa, elle tomba dans un doute mortel. Elle était, comme Michel-Ange, une âme passionnée mais faible. Elle avait besoin de croire. Elle était incapable de résister à l'autorité de l'Église. Elle se faisait souffrir avec des jeûnes, des errs, tant qu'elle n'avait plus que la peau sur les os. Son ami, le cardinal Paul, lui rendit la paix en l'obligeant à se soumettre, à humilier l'orgueil de son intelligence, à s'oublier en Dieu. Elle le fit avec une ivresse du sacrifice, si elle n'avait sacrifié qu'elle. Mais elle sacrifiait ses amis avec elle. Elle reniait au Kid, dont elle livrait les écrits à l'Inquisition de Rome. Comme Michel-Ange, cette grande âme était brisée par la peur. Elle noyait ses remords dans un mysticisme désespéré. Vous avez vu le chaos d'ignorance où j'étais, et le labyrinthe d'erreurs où j'allais. Le corps perpétuellement en mouvement pour trouver le repos, l'âme toujours agitée pour trouver la paix. Dieu a voulu qu'il me fût dit « Fiat lux » et qu'il me fût montré que je n'étais rien et que tout était en Christ. Elle appelait la mort comme une délivrance. Elle mourut le 25 février 1547. Ce fut à l'époque où elle était le plus pénétrée du libre mysticisme de Valdès et d'Aquino, qu'elle fit la connaissance de Michel-Ange. Cette femme triste et tourmentée, qui avait toujours besoin d'un guide sur qui s'appuyer, n'avait pas moins besoin d'un être plus faible et plus malheureux qu'elle pour dépenser sur lui tout l'amour maternel dont son cœur était plein. Elle s'appliqua à cacher son trouble à Michel-Ange. Sereine en apparence, réservée, un peu froide, elle lui transmit la paix qu'elle demandait à d'autres. Leur amitié, ébauchée vers 1535, fut intime à partir de l'automne de 1538 et toute construite en Dieu. Vittoria avait 46 ans. Il en avait 63. Elle habitait à Rome au cloître de San Silvestro in Capite, au-dessus de Monte Pincio. Michel-Ange habitait près de Monte Cavallo. Ils se réunissaient le dimanche à l'église San Silvestro, au Monte Cavallo. Le frère Ambrogio Caterino Politi leur lisait les épîtres de Saint Paul, qu'ils discutaient ensemble. Le peintre portugais François de Hollande nous a conservé le souvenir de ces entretiens dans ses 4 dialogues sur la peinture. Ils sont le vivant tableau de cette amitié grave et tendre. La première fois que François de Hollande alla à l'église San Silvestro, il y trouva la marquise de Pescara avec quelques amis, écoutant la lecture pieuse. Michel-Ange n'était point là. Quand l'épître fut finie, l'aimable femme dit en souriant à l'étranger « François de Hollande aurait entendu plus volontiers sans doute un discours de Michel-Ange que cette prédication. » À quoi François, sottement blessé, répondit « Quoi, madame, semble-t-il donc à votre excellence que je n'ai de sens pour rien d'autre et que je ne sois bon qu'à peindre? Ne soyez pas si susceptible, messer Francesco, dit la tante Tolomei. La marquise est justement convaincue qu'un peintre est bon à tout, tant nous estimons la peinture, nous autres Italiens. Mais peut-être a-t-elle dit cela pour ajouter au plaisir que vous avez eu, celui d'entendre Michel-Ange. François se confond alors en excuses, et la marquise dit à un de ses serviteurs, « Va chez Michel-Ange. » Et dis-lui que moi et messer Latanzio, nous sommes restés après la fin du service religieux dans cette chapelle où il fait une agréable fraîcheur. S'il veut bien perdre un peu de son temps, ce serait grand profit pour nous. Mais, ajouta-t-elle, connaissant la sauvagerie de Michel-Ange, ne lui dis pas que François de Hollande, l'Espagnol, est ici. En attendant le retour de l'employé, il reste à causer, cherchant par quels moyens ils amèneront Michel-Ange à parler de peinture, sans qu'ils s'aperçoivent de leur intention, car, s'ils la remarquaient, ils se refuseraient aussitôt à poursuivre l'entretien. Il y eut un petit instant de silence. On heurta à la porte. Nous exprimâmes tous la crainte que le maître ne vînt pas, puisque la réponse était si prompte. Mais mon étoile voulut que Michel-Ange, qui habitait tout près, fût justement en chemin, dans la direction de San Silvestro. Il allait par la Via Esculina vers les thermes, en philosophant avec son disciple, Urbino. Et comme notre employé l'avait rencontré et ramené, c'était lui-même qui se tenait en personne sur le seuil. La marquise se leva et resta longtemps en conversation avec lui, debout, à part des autres, avant qu'elle l'invitât à prendre place entre Latanzio et elle. François de Hollande s'assit à côté de lui, mais Michel-Ange ne fit aucune attention à son voisin, ce qui le piqua vivement. François dit d'un air vexé. « Vraiment, le plus sûr moyen de ne pas être vu de quelqu'un consiste à se mettre droit en face de ses yeux. » Michel-Ange, étonné, le regarda et s'excusa aussitôt avec une grande courtoisie. « Pardonnez, messer Francesco. En vérité, je ne vous avais pas remarqué, parce que je n'avais Dieu que pour la marquise. » Cependant, Vittoria, après une petite pause, commença, avec un art qu'on ne pouvait assez vanter, à parler de mille choses, d'une façon adroite et discrète, sans toucher à la peinture. On eût dit quelqu'un qui assiège une ville forte avec peine et avec art. Et Michel-Ange avait l'air d'un assiégé vigilant et défiant, qui met ici des postes, qui lève là les ponts, qui place ailleurs des mines et qui tient la garnison en éveil aux portes et sur les murs. Mais, enfin, la marquise l'emporta, et vraiment, personne n'aurait pu se défendre d'elle. « Allons, » dit-elle, « il faut bien reconnaître qu'on est toujours vaincu quand on attaque Michel-Ange avec ses propres armes, c'est-à-dire avec la ruse. Il faudra à Messer Latanzio que nous parlions avec lui de procès, de bref du pape ou bien de peinture, si nous voulons le réduire au silence et avoir le dernier mot. » Ce détour ingénieux amène la conversation sur le terrain de l'art. Vittoria entretient Michel-Ange d'une construction pieuse, qu'elle a le projet d'élever, et aussitôt Michel-Ange s'offre à examiner l'emplacement pour ébaucher un plan. « Je n'aurais pas osé vous demander un si grand service, » répond la marquise. Bien que je sache que vous suivez en tout l'enseignement du Sauveur, qui abaissait les superbes et élevait les humbles. Aussi, ceux qui vous connaissent estiment la personne de Michel-Ange plus encore que ses œuvres, au lieu que ceux qui ne vous connaissent pas personnellement célèbrent la plus faible partie de vous-même, c'est-à-dire les œuvres de vos mains. Mais je ne loue pas moins que vous vous retiriez si souvent à l'écart, fuyant nos conversations inutiles et qu'au lieu de peindre tous les princes qui viennent vous en prier, vous avez consacré presque toute votre vie à une seule grande œuvre. » Michel-Ange décline modestement ses compliments et exprime son aversion pour les bavards et les oisifs, grands seigneurs ou papes, qui se croient permis d'imposer leur société à un artiste quand déjà il n'a pas assez de sa vie pour accomplir sa tâche. Puis, l'entretien passe au plus haut sujet de l'art que la marquise traite avec une gravité religieuse. Une œuvre d'art, pour elle, comme pour Michel-Ange, est un acte de foi. « La bonne peinture, » dit Michel-Ange, « s'approche de Dieu et s'unit à lui. Elle n'est qu'une copie de ses perfections, une ombre de son pinceau, sa musique, sa mélodie aussi. Ne suffit-il point que le peintre soit un grand et habile maître? Je pense bien plutôt que sa vie doit être pure et sainte, autant que possible, afin que le Saint-Esprit gouverne ses pensées. » Ainsi, le jour s'écoule en ces conversations vraiment sacrées, d'une sérénité majestueuse, dans le cadre de l'église de Saint-Sylvestre, à moins que les amis ne préfèrent continuer l'entretien dans le jardin que nous décrit François de Hollande. Près de la fenêtre, à l'ombre des buissons de laurier, assis sur un banc de pierre, adossé à un mur tout tapissé de lierre, d'où ils dominaient Rome, se déroulant à leurs pieds. Ces beaux entretiens ne durèrent malheureusement point. La crise religieuse par laquelle passait la marquise de Pescara les rompit brusquement. En 1541, elle quitta Rome pour s'enfermer dans un cloître à Orvieto, puis à Viterbe. Mais souvent, elle partait de Viterbe, et elle venait à Rome uniquement pour voir Michel-Ange. Il était épris de son divin esprit et elle le lui rendait bien. Il reçut d'elle et garda beaucoup de lettres, pleines d'un chaste et très doux amour, et telles que cette âme noble pouvait les écrire. Sur son désir, ajoute Condivi, il exécuta un Christ nu qui, détaché de la croix, tomberait comme un cadavre inerte aux pieds de sa sainte mère, si deux anges ne le soutenaient par les bras. Elle est assise sous la croix, son visage pleure et souffre, et, les deux bras ouverts, elle lève les mains au ciel. Sur le bois de la croix, on lit ces mots. « Non vi si pensa quanto sangue costa. » Par amour pour Vittoria, Michel-Ange dessina aussi Jésus-Christ en croix, non pas mort, comme on le représente d'habitude, mais vivant. Le visage tourné vers son père et criant « Élie, Élie !» Le corps ne s'abandonne pas sans volonté. Il se tord et se crispe dans les dernières souffrances de l'agonie. Peut-être Vittoria a-t-elle également inspiré les deux dessins sublimes de la résurrection qui sont au Louvre et au British Museum. Dans celui du Louvre, le Christ herculéen a rejeté avec furie la lourde dalle du tombeau. Il a encore une jambe dans la fosse et, la tête levée, les bras levés, il se précipite vers le ciel dans un élan de passion qui rappelle un des captifs du Louvre. Retournez à Dieu. Quittez ce monde, ces hommes qu'il ne regarde même pas et qui rampent à ses pieds, stupides, épouvantés. S'arracher au dégoût de cette vie, enfin, enfin. Le dessin du British Museum a plus de sérénité. Le Christ est sorti du tombeau. Il plane. Son corps vigoureux flotte dans l'air qui le caresse. Les bras croisés, la tête renversée en arrière, les yeux fermés. En extase, il monte dans la lumière comme un rayon de soleil. Ainsi, Vittoria rouvrit à l'art de Michel-Ange le monde de la foi. Elle fit plus encore. Elle donna l'essor à son génie poétique que l'amour de Cavalieri avait réveillé. Non seulement elle l'éclaira sur les révélations religieuses dont il avait l'obscur pressentiment, mais, comme l'a montré Taude, elle lui donna l'exemple de les chanter dans ses vers. C'est dans les premiers temps de leur amitié que parurent les premiers sonnets spirituels de Vittoria. Elle les envoyait à son amie à mesure qu'elle les écrivait. Il y puisait une douceur consolante, une vie nouvelle. Un beau sonnet qu'il lui adressa en réponse témoigne de sa reconnaissance attendrie. Bienheureux esprit qui, par un ardent amour, retient en vie mon vieux cœur près de mourir et qui, parmi tes biens et tes plaisirs, me distingue seul entre tant de plus nobles êtres. Tel tu as paru autrefois à mes yeux, tel maintenant à mon âme tu te montres, afin de me consoler. C'est pourquoi, recevant ce bienfait de toi qui pense à moi dans mes soucis, je t'écris pour te remercier, car ce serait grande présomption et grande honte si je prétendais te donner de misérables peintures en échange de tes créations belles et vivantes. Dans l'été de 1544, Vittoria revint habiter à Rome au cloître Sant'Anna, et elle y resta jusqu'à sa mort. Michel-Ange allait la voir. Elle pensait affectueusement à lui. Elle cherchait à mettre un peu d'agrément et de confort dans sa vie, à lui faire en secret quelques petits cadeaux, mais l'ombrageux vieillard, qui ne voulait accepter de présents de personne, même de ceux qu'il aimait le mieux, refusait de lui faire ce plaisir. Elle mourut. Il la vit mourir. Et il dit ce mot touchant qui montre quelle chaste réserve avait gardé leur grand amour. Rien ne me désole tant que de penser que je l'ai vue morte, que je ne lui ai pas baisé le front et le visage comme j'ai baisé sa main. Cette mort, dit Condivi, le rendit pour longtemps tout à fait stupide. Il semblait avoir perdu le sens. Elle me voulait un très grand bien, disait-il tristement plus tard, et moi de même. Mi voleva grandissimo bene, e io non meno lei. La mort m'a ravi un grand ami. Il écrivit sur cette mort deux sonnets, l'un tout imprégné de l'esprit platonicien et d'une rude préciosité, d'un idéalisme halluciné. Il semble une nuit sillonnée d'éclairs. Mais quel ange compare Vittoria au marteau du sculpteur divin qui fait jaillir de la matière les sublimes pensées. Si mon rude marteau façonne les durs rochers, tantôt à une image et tantôt à une autre, c'est de la main qui le tient, le conduit et le guide, qu'il reçoit le mouvement. Il va poussé par une force étrangère. Mais le marteau divin qui dans le ciel se dresse crée sa propre beauté et la beauté des autres par son unique force. Aucun autre marteau ne peut se créer sans marteau. Celui-là seul fait vivre tous les autres. Et parce que le coup qu'il frappe sur l'enclume est d'autant plus fort que le marteau se lève plus haut dans la forge, celui-là s'est levé au-dessus de moi jusqu'au ciel. C'est pourquoi il mènera mon œuvre à bonne fin. Si la forge divine lui prête maintenant son aide, jusqu'ici sur la terre, il était seul. l'autre sonnet est plus tendre et proclame la victoire de l'amour sur la mort. Quand celle qui m'a arraché tant de soupirs s'est dérobée au monde, à mes yeux, à elle-même, la nature qui nous avait jugés dignes d'elle tomba dans la honte, et tous ceux qui le virent dans les pleurs. Mais que la mort ne se vante pas aujourd'hui d'avoir éteint ce soleil des soleils, comme elle a fait des autres. Car amour a vaincu, elle a fait revivre sur terre et dans le ciel, parmi les saints, la mort, inique et criminelle, croyait étouffer l'écho de ses vertus et ternir la beauté de son âme. Ses écrits ont fait le contraire. Ils l'illuminent de plus de vie qu'elle n'a eue en sa vie. Et par la mort, elle a conquis le ciel qu'elle n'avait pas encore. C'est pendant cette grave et sereine amitié que Michel-Ange exécuta ses dernières grandes œuvres de peinture et de sculpture. Le Jugement dernier, les fresques de la chapelle Pauline et enfin le tombeau de Jules II. Quand Michel-Ange avait quitté Florence en 1534 pour s'installer à Rome, il pensait délivrer de tous ses autres travaux par la mort de Clément VII, pouvoir terminer en paix le tombeau de Jules II, puis mourir la conscience déchargée du fardeau qui avait pesé sur toute sa vie, mais à peine arrivé, il se laissa remettre à la chaîne par des nouveaux maîtres. Paul III le fit appeler et le pria de le servir. Michel-Ange refusa, disant qu'il ne pouvait pas, car il était lié par contrat avec le duc d'Urbain, jusqu'à ce que le tombeau de Jules II fût achevé. Alors, le pape se mit en colère et dit « Depuis 30 ans, j'ai ce désir, et maintenant que je suis pape, je ne pourrai pas le satisfaire. Je déchirerai le contrat, et je veux que tu me serves en dépit de tout. » Michel-Ange fut sur le point de fuir. Il songea à se réfugier près de Gênes, dans une abbaye de l'évêque d'Aléria, qui était son ami, et qui avait été celui de Jules II. Il eut terminé là, comme au démon, son œuvre, dans le voisinage de Carrare. L'idée lui vint aussi de se retirer à Urbain, qui était un lieu paisible et où il espérait être bien vu, en souvenir de Jules II. Il y avait déjà envoyé dans cette intention un de ses gens pour acheter une maison. Mais au moment de se décider, la volonté lui manquait, comme toujours. Il craignait les conséquences de ses actes. Il se flattait de l'éternelle illusion, éternellement déçu, qu'il pourrait s'en tirer par quelque compromis. Il se laissa de nouveau attacher et il continua de traîner son boulet jusqu'à la fin. Le 1er septembre 1535, un bref de Paul III le nomma architecte en chef, sculpteur et peintre du palais apostolique. Depuis le mois d'avril précédent, Michel-Ange avait accepté de travailler au Jugement dernier. Il fut entièrement occupé par cette œuvre. D'avril 1536 à novembre 1541, c'est-à-dire pendant le séjour de Vittoria à Rome. Au cours de cette énorme tâche, sans doute en 1539, le vieillard tomba d'échafaudage et se blessa grièvement à la jambe. De douleur et de colère, il ne voulut être soigné par aucun médecin. Il détestait les médecins et manifestait dans ses lettres une inquiétude comique quand il apprenait qu'un des siens avait eu l'imprudence de s'adresser à leurs soins. Heureusement pour lui, après sa chute, maître Bacciorontini de Florence, son ami, qui était un médecin de beaucoup d'esprit et qui lui était fort attaché, eut pitié de lui et alla un jour frapper à la porte de sa maison. Personne ne lui répondant, il monta et chercha de chambre en chambre jusqu'à ce qu'il arrivât dans celle où Michel-Ange était couché. Celui-ci fut au désespoir quand il le vit, mais Baccio ne voulut plus partir et ne le quitta plus que lorsqu'il l'eut guéri. Comme autrefois Jules II, Paul III venait voir peindre Michel-Ange et donner son avis. Il était accompagné de son maître des cérémonies, Biagio da Cesena. Un jour, il demanda à ce dernier ce qu'il pensait de l'œuvre. Biagio, qui était, dit Vasari, une très scrupuleuse personne, déclara qu'il était souverainement inconvenant d'avoir représenté en un lieu aussi solennel tant de nudités indécentes. C'était là, ajoutait-il, une peinture bonne à décorer une salle de bain ou une auberge. Michel-Ange, indigné, portraitura de mémoire Biagio après qu'il fut sorti. Il le représenta dans l'enfer sous la forme de Minos, avec un grand serpent enroulé autour des jambes. au milieu d'une montagne de diables. Biagio se plaignit au pape. Paul III se moqua de lui. « Si encore, lui dit-il, Michel-Ange t'avait mis au purgatoire, j'aurais pu faire quelque chose pour te sauver, mais il t'a placé en enfer, et là, je ne peux rien. En enfer, il n'y a aucune rédemption. » Biagio ne fut pas le seul à trouver indécentes les peintures de Michel-Ange. L'Italie se faisait prude, et le temps n'était pas loin où Véronèse allait être traduit devant l'Inquisition pour l'inconvenance de sa scène chez Simon. Il ne manqua pas de gens pour crier au scandale devant le jugement dernier. Celui qui cria le plus fort fut l'Aretin. Le maître pornographe entreprit de donner des leçons de décence au chaste Michel-Ange. Il lui écrivit une lettre de Tartuffe impudent. Il l'accusait de représenter des choses à faire rougir une maison de débauche. Et il le dénonçait pour impiété à l'Inquisition naissante. Car ce serait un moindre crime de ne pas croire, disait-il, que d'attenter ainsi à la foi chez autrui. Il engageait le pape à détruire la fresque. Il mêlait à ses dénonciations de luthéranisme d'ignobles insinuations contre les mœurs de Michel-Ange. Et, pour achever, il l'accusait d'avoir volé Jules II. À cette infâme lettre de chantage, où tout ce qu'il y avait de plus profond dans Michel-Ange, sa piété, son amitié, son sentiment de l'honneur étaient salis et outragés. À cette lettre, que Michel-Ange ne put lire sans rire de mépris et sans pleurer de honte, il ne répondit rien. Sans doute en pensa-t-il ce qu'il disait de certains ennemis dans son dédain écrasant, qu'il ne valait pas la peine de les combattre, car la victoire sur eux n'a aucune importance. Et quand les idées de l'Aretin et de Biagio sur son jugement dernier eurent gagné du terrain, il ne fit rien pour répondre, rien pour les arrêter. Il ne dit rien. Quand son œuvre fut traitée d'ordure luthérienne, il ne dit rien. Quand Paul IV voulut jeter à bas la fresque, il ne dit rien. Quand, sur ordre du pape, Daniel de Voltaire culotta ses héros, on lui demanda son avis. Il répondit sans colère, avec un mélange d'ironie et de pitié, « Dites au pape que c'est là une petite chose, qu'il est bien facile de mettre en ordre, que sa sainteté veille seulement à mettre le monde en ordre. Arranger une peinture ne coûte pas grand-peine. » Il savait dans quelle ardente foi il avait accompli cette œuvre. Parmi les religieux entretiens de Vittoria Colonna et sous l'égide de cette âme immaculée, il eut rougi de défendre la chaste nudité de ses pensées héroïques contre les sales soupçons et les sous-entendus des hypocrites et des cœurs bas. Quand la fresque de la Sixtine fut terminée, Michel-Ange crut enfin avoir le droit d'achever le monument de Jules II, mais le pape insatiable exigea que le vieillard de 70 ans peignît les fresques de la chapelle Pauline. Peu s'en fallut qu'il ne mît la main sur quelques-unes des statues destinées au tombeau de Jules II, afin de les faire servir à l'ornement de sa propre chapelle. Michel-Ange dut s'estimer heureux qu'on lui permît de signer un cinquième et dernier contrat avec les héritiers de Jules II. Par ce contrat, il livrait ses statues achevées et payait 2 sculpteurs pour terminer le monument, moyennant quoi il était déchargé de toute autre obligation, pour toujours. Il n'était pas au bout de ses peines. Les héritiers de Jules II continuèrent de lui réclamer âprement l'argent qu'il prétendait lui avoir été autrefois déboursé. Le pape lui faisait dire de ne pas y penser et d'être tout à son travail de la chapelle Pauline. « Mais, répondait-il, on peint avec la tête et non avec les mains. Qui n'a pas ses pensées à soi se déshonore. C'est pourquoi je ne fais rien de bon. Tant que j'ai ces préoccupations, j'ai été enchaîné à ce tombeau toute ma vie. J'ai perdu toute ma jeunesse, attaché de me justifier devant Léon X et Clément VII. J'ai été ruiné par ma trop grande conscience. Ainsi le veut mon destin. Je vois beaucoup de gens qui se sont fait des rentes de 2 à 3 000 écus, et moi, après de terribles efforts, je suis seulement parvenu à être pauvre. Et l'on me traite de voleur. Devant les hommes, je ne dis pas devant Dieu. Je me tiens pour un honnête homme. Je n'ai jamais trompé personne. Je ne suis pas un voleur, je suis un bourgeois florentin, de noble naissance, et fils d'un homme honorable. Quand je dois me défendre contre des coquins, je deviens fou à la fin. » Pour désintéresser ses adversaires, il termina de sa main les statues de la vie active et de la vie contemplative, bien qu'il n'y fût pas forcé par son contrat. Enfin, le monument de Jules II fut inauguré à San Pietro in Vincoli en janvier 1545. Que restait-il du beau plan primitif? Le seul Moïse, qui en devenait le centre après n'en avoir été autrefois qu'un détail, caricature d'un grand projet. Du moins, c'était fini. Michel-Ange était délivré du cauchemar de toute sa vie.